m'emmènerai bien vers Marrakech. Bali, Dubaï et Punta Cana. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Elle veut d'un homme et pas d'un gamin. Un truc de taré. Quand nos sentiments commencent à se déclarer. Lorsque sa présence me servait de pur bonheur. Aujourd'hui je suis seul et je repense à hier. Mon cœur est rempli de balafres. C'est la seule qui connaisse ma life. J'avoue un truc de malade. Comment nos deux corps s'adaptent. On pourrait faire ça toute la night. On aurait pu fonder une MIFA. Tous les deux former une mafia. Mais aujourd'hui c'est terminé. Yeah yeah yeah yeah. On a fini par se faire du mal. Moi qui voulais la marier. Oui, je l'aimais, je l'aimerais. Je l'emmènerai bien vers Marrakech. Bali, Dubaï et Punta Cana. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Elle veut d'un homme et pas d'un gamin. Quitter, quitte à souffrir. On avait qu'une meilleure, on avait qu'une pire. Dire que je l'avais pas du tout vu venir. Aujourd'hui l'amour n'est rien qu'un souvenir. Elle sentit comme une étoile dans le ciel. Son sourire est étincelle, son regard est austère. Yeah. Elle m'a trop fait tourner la tête. Faisons la paix, fini la guerre. On a fini par se faire du mal. Moi qui voulais la marier. Oui, je l'aimais, je l'aimerais. Je l'emmènerai bien vers Marrakech. Bali, Dubaï et Punta Cana. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Elle veut d'un homme et pas d'un gamin. Je l'emmènerai bien vers Marrakech. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Elle veut d'un homme et pas d'un gars.